Escucha este, escucha este, yeah. Bale, bale, bale, bale, bale, bale. Gigi Keshkun, Keshkun. Landmark X, Landmark X. Escucha este, escucha este, bale. Escucha este, escucha este, bale, bale, bale. Ça est un bordel sans nom, des ni oui ni non. Biange, mi-démon, univers de con. Ils ont dû perdre un son, je viens relever le ton. Des compteurs, des copies et des fonds. Depuis tout ce temps, sans piston sur le pont. C'est la course au j'aime et au like, au gel et au masque. Fidèle au bouillot, streaming au pack. Marche et les blagues, sur la toile, gare aux arnaques. Tu trouves ton bonheur, mais tu trouves ton malheur en vrac. Grave, à peine sorti c'est fini. Tu passes à un autre, épine et d'ortie. Les carrières se font et se vôtrent. Geste barrière, ça rentre et ça sort. Comme le font les taupes, confond pas les tubes et la dope. La vie est la haute, les thunes et déco. La peau sur les os et là y'a le con. Ronfle le silence avec un tas de mythos. Comprends que moi t'as fait, c'est pas finir plus tôt. Si tu reçois peu, c'est sans doute que t'as donné trop. Qu'est-ce que t'en penses, si moi? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bon. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pour moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Moi? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai rien. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais réfléchir. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais réfléchir. On est en 2021. Et comme tu vois, c'est pas prêt de changer. Wow. T'essuies des pots de vin et t'aimerais bien en boire une gorgée. Faire ses devoirs, ranger sa chambre, c'est sans danger. Écoute, tout comme de voir la France vendue aux étrangers. Ah, pas dérangé, pays sous tutelle de Bruxelles. Pouvoir voyager uniquement avec l'accord du cartel. Ça fait va s'arranger, attendons les présidentielles. Okay. Tout comme les précédentes, de vraies mises en scène. On se sent seul alors qu'on est plein. Tu sais ce qu'ils veulent, seulement leur bien. On collabore ou t'attends la fin. Au bord de la rupture, les potes ont faim. Attendons que tout ce bon monde en vienne aux mains. Le ciel est bleu et toujours autant de craquettes dans le métro. Regarde, c'est un jeu des millions perdants sur le carreau. Et convaincu de moi, je, les plus jeunes, on paye le tarot. Les plus vieux retournent au boulot pour quelques euros. Qu'est-ce que t'en penses? Qui, moi? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis bon. Qu'est-ce que t'en penses? Okay. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça arrive. Qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Okay. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis bon. Qu'est-ce que t'en penses? Wow. Qu'est-ce que t'en penses? Putain. Qu'est-ce que t'en penses? T'as un avis sur la question, garde pour toi. Tes a priori sur mes décisions, cela va de soi. Une opinion sur le choix du son, tu repasseras. Chacun sa perception du monde, garde la foi. Pour ne pas sombrer, trouver sa voie. Aller au bout des choses, mais surtout faire le bon choix, la confiance en soi. Rien mieux dans la vie, croyez-moi. Tout ce que je fais jusqu'ici, bah, c'est petit que ça. Donc c'est ainsi, DJ Cash pour la prise de voix. Mix, montage vidéo, producteur ou caméra. Reportage et clip que tu vois ou que tu verras. Un vrai couteau suisse de l'orchestre à l'opéra. Petit casquette à la suite, un jour ça paiera. Dans un monde où tout va trop vite, ton taf tournera. Chaque action, une carte de visite, un triple A. EGM sur quelques titres, on s'en sortira, on en parlera. Qu'est-ce t'en penses? Si, moi? Qu'est-ce t'en penses? Qu'est-ce t'en penses? C'est une question? Qu'est-ce t'en penses? Ok. Qu'est-ce t'en penses? Je sais pas. Qu'est-ce t'en penses? Ouais. Qu'est-ce t'en penses? Qu'est-ce t'en penses? Aucune idée. Qu'est-ce t'en penses? Ouais. Qu'est-ce t'en penses? Je réfléchis. Qu'est-ce t'en penses? Qu'est-ce t'en penses? Alors là, je sais pas. Qu'est-ce t'en penses? Quoi? Qu'est-ce t'en penses? J'en sais rien.